suite et dernière partie de la balade guidée à Kureghem. Micro ouvert. Le collège de la commune d'Anderlecht évoquait la difficulté dans des quartiers populaires où les gens s'entassent dans des mauvaises conditions, dans le logement. Tout d'un coup, ils ont dit « Ah oui, il faudrait avoir une meilleure qualité d'espace public. » Et ça arrivait vraiment, je crois, 2 semaines après le décès d'Adil. On a vu apparaître ici, mais alors je vous dis, Adil, sa famille, etc., ils sont au Square Albert, ils ne sont pas ici. Or, c'est ici qu'on a vu un changement. Un beau matin, moi je passe pour aller à mon travail, j'arrive et je vois des grands pots, des grands bacs, etc., qui sont un peu éparpillés ici autour de la voirie et qui bloquent le passage des véhicules, qui bloquent le passage des camionnettes, des voitures, des camions. Et du coup, qui bloquent aussi le passage pour les livraisons des grossistes. Sans aucune négociation, sans aucun dialogue préalable. Et donc, Suzanne Muller, l'échevine de la mobilité de la commune, se retrouve interpellée assez rapidement, notamment par les grossistes, aussi par le PTB, par différents habitants, sur ce qui est en train de se passer. Et donc, elle dit, ça fait un moment que j'y pensais, qu'il fallait réorganiser la mobilité dans ce quartier très dense, où il y a une mobilité assez complexe. Et c'était l'occasion. Puisqu'effectivement, on a constaté, suite au décès d'Adil, qu'il fallait absolument faire quelque chose pour le quartier. Covid, hein. Oui, c'est ça. Voilà, parce que je suis habitante, là, j'ai assisté aux émeutes, etc. J'habite là-bas. C'est aussi très propre au confinement et à la crise Covid. Donc, il y a eu l'assassinat d'Adil, il y avait le traumatisme Covid. Donc, ça a été vraiment installé dans un moment très critique et très difficile pour les riverains. Et c'était jusqu'à la rue de la clinique, le début de la rue de la clinique, au niveau de la place du Conseil. Donc c'est pas juste ici, ça prenait déjà jusque là-bas. Voilà. Parce qu'il y avait d'autres blocs. Il y avait d'autres pots, quoi. Les pots qui avaient rue de la clinique, c'est au même moment. Ça, des pots. Moi, j'appelle ça. Non, c'était une espèce de tôle rouillée avec des arbres qui servaient finalement de cache pour les dealers du quartier. Donc, quelle belle initiative, hein, franchement. Voilà. Ça, désolée pour l'intervention, mais... Non, il faut. C'est ça, tu fais bien. En plus, on est là pour discuter avec... C'est ça, c'est vraiment la technique. Voilà. Mais donc, du coup, ça fait un tollé, quand même. Des habitants, des commerçants ont été discutés. Et donc, c'était légèrement modifié pour permettre de nouveau, notamment, les livraisons pour les grossistes. Mais toujours est-il que... certains bacs et les blocs de béton qu'on a vus par après apparaître dans le cadre du plan Good Move ont été installés ici bien avant, à ce moment-là, dans ce contexte-là. Et donc, jusqu'à la semaine dernière, il y avait encore les blocs de béton ici, d'ailleurs. Je ne sais pas, du coup, ils étaient encore là. Je rigole parce que tout ça, ça me fait penser à... En fait, tout ça est pensé déjà depuis très longtemps. Ça nous dépasse complètement dans le sens où ils ont un planning bien élaboré. La phase 1, c'était pas Good Move en réalité, c'était ces fameuses pots de fleurs en tôle rouillée. La phase 2, ça a été Good Move 1. Et la phase 3, finalement, c'est Good Move 2. Alors ils disent que la phase 2, c'est Good Move 2. C'est pas vrai. C'est déjà la phase 3 de leur plan. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça nous dépasse complètement. Et à chaque fois, c'est « Ah, vous n'aimiez pas les pots de fleurs en tôle? D'accord, on vous les retire. » Oui, mais ce qu'on ne savait pas derrière, c'est qu'après, ils nous ont enfermés avec des blocs de béton. « Ah, ok, vous n'êtes pas d'accord avec les blocs de béton, la signalisation, etc. On retire. Et puis, qu'est-ce qu'on reçoit maintenant? On va nous bloquer Square Albert et Chaussée de Mons. Et puis, ce sera quoi? On va nous foutre dehors de chez nous, on va nous exproprier. Enfin, c'est quoi la phase suivante, quoi? » Pardon. Et donc, voilà cet exemple qui arrivait en 2020, dans, comme tu disais, le contexte du confinement, mais où on a instrumentalisé aussi quelque chose, enfin, c'est assez violent de partir de ce point de départ-là, du décès d'un jeune du quartier. Et donc, voilà, je me disais que c'était justement l'occasion, peut-être que ça intéresse tout le monde ici, puisque tout le monde a entendu parler de Good Move. Et en fait, Good Move, très étrangement, a démarré à Kureghem, ce qui est étrange parce que c'est vraiment pas le quartier où il y a le plus haut taux de motorisation. En fait, la majorité des gens ici, de toute façon, n'ont pas les moyens d'avoir une voiture. Et en général, quand ils en ont une, c'est pour une activité de subsistance ou ce sont beaucoup les activités économiques. Alors, je ne vais pas dresser un portrait idéal de Kerugem pour dire « Ah, Kerugem, les gens n'utilisent la voiture que quand c'est nécessaire. » Ce n'est pas ça le débat. Mais quelque part, c'est quand même étrange que ça soit ici, que ça ait été développé en premier lieu. Donc, après, il y a avec nous Mélanie, qui est du comité aussi, déjà exprimé. Je viens d'apprendre cette histoire sur Adil. En fait, nous, on l'a appris autrement. Donc, moi, j'ai écrit un texte, mais on y a travaillé à plusieurs au tout début du plan Good Move, quand on a commencé, où la pétition a été mise en ligne. Et ce qui était très frappant, on pouvait encore aller lire cette pétition, c'est qu'il y a énormément de descriptions d'habitants dans le détail de leur vie quotidienne. On a très, très vite vu que les gens étaient empêchés d'aller aider la maman qui a de l'arthrose, de faire des courses. Et à la suite de ce texte, on a recommencé, mais en fait, je retrace le réseau de ce que tu viens de dire ici. On a reçu un premier mail que moi, je n'ai pas du tout compris. Je me suis dit, la personne est folle. Mais en fait, peut-être pas. Et le mail, c'était nous accuser avec Anas, Rachida, etc. On est aussi dans les mouvements antiracistes. Et donc, on a été fort mobilisés à l'époque d'Adil. Et on était accusés, nous, de nier que la mort d'Adil était liée à une domination qu'on cachait, qui était la domination automobile. On rigole parce que c'est ce qui reste quand on ne pas péter les plombs. Mais donc, c'était extrêmement violent. Et c'était cette idée-là. C'est-à-dire, on fait feu de tout bois. Et on considère que l'espace public est dangereux et qu'il faut protéger. Mais moi, que j'apprends ce truc-là, c'est fou. Parce que, Adil n'a pas été tué par un automobiliste. Non, il a été choqué par une police. En pleine nuit, où la circulation était très fluide. Donc, on ne comprend même pas comment ils ont fait le lien. Non, mais c'est une sorte de double peine, quoi. Ouais. C'est-à-dire, en fait, on considère... Et c'est la même chose, donc, parce que c'est cette Madame Müller. Et elle a ce plan-là. Et peut-être tout à l'heure, on va aller chaussée de Mons en reparler. Ouais, bah parce que donc dans la conscience des habitants de Kerugem, il y a cette réflexion constante que derrière chaque projet, il y a moins de place de voiture, fermeture des rues, enfin qu'on fait feu de tout bois, quoi. Y compris de la mort d'un jeune du quartier par la police de la commune. On a entendu nulle part la commune d'Anderlecht et Madame Müller prononcer des mots sérieux sur les violences policières à Anderlecht. On se souvient qu'il a fallu négocier simplement pour avoir un panneau pour que les familles puissent venir marquer leur message de deuil à l'endroit où il a été pare-choqué. Et c'est intéressant aussi de voir que le pare-choquage a eu lieu sur cette frontière. C'est à l'endroit du canal qui aujourd'hui est une zone de passage. Et donc, ma pensée n'est pas élaborée parce que ce que tu dis, c'est dingue, quoi. C'est-à-dire, les habitants n'ont tellement pas de droits à la ville, que même leurs morts sont les utilisés contre eux, quoi. C'est complètement fou. Et donc maintenant, c'est ça juste pour finir. Donc c'est cette idée derrière que, et ça on le voit beaucoup dans les groupes fortement radicalisés pro-vélo, que ce qui est le vrai danger à Bruxelles, c'est la voiture, quoi. Et donc par exemple pour Adil, c'était l'idée, c'est pas la police, donc on nie, c'est quasiment révisionniste, quoi. On nie le pare-choquage, mais on considère que c'est un rond-point criminogène, et que donc si on met la rue en vélo, il y aura plus de violence policière, quoi. Enfin, c'est délirant, mais c'est cette machine-là. C'est tout le processus biopolitique de sécurisation, à savoir le plan Good Move et tous les plans constitutifs qui viendraient remodifier, remodeler... et rénover urbanistiquement la commune, sont destinés à protéger les populations presque d'elles-mêmes, ouais. De leurs agissements, de leurs actions potentielles. Oui, parce que là, dès qu'il y a une vidéo de rodéo sur Internet, elle va faire le tour de tout Bruxelles en disant « Regardez, Good Move va mettre fin ». Enfin voilà, moi je suis un peu dans tous les sens, parce que je suis un peu sous le choc là. Mais récemment, dans tout ce contexte, c'est le projet de parc de la Seinette. Et quand tu lis le diagnostic pour le parc de la Seinette, à un moment donné, ils abordent la question de la mobilité et ils parlent de Kerugem en disant que c'est un quartier où il y a peu de trafic, de transit, en fait, à part lié aux activités qui sont présentes. Donc, c'est ce qu'on appelle du trafic à destination. Donc, c'est-à-dire qu'il y a bien du trafic, mais lié aux activités économiques qui sont présentes dans le quartier. Et aussi, bon, des habitants qui, pour diverses raisons, à un certain moment aussi besoin... Bon, il y a beaucoup de familles nombreuses, il y a beaucoup... Enfin, de gens qui ont des petites activités pour lesquelles ils ont besoin d'une camionnette, etc. Et donc, là, dans le diagnostic, si... c'est mis... Mais ce truc... On a le droit d'avoir une voiture, c'est quoi ce délire ? C'est un diagnostic qui est connu, en fait, c'est un truc... N'est jamais réutilisé si tu lis le diagnostic pour le plan Good Move sur Kerugem. Tout d'un coup, Kerugem devient un territoire où il y a beaucoup de trafic de transit. Et parce que c'est ça, l'objectif annoncé de Good Move est de supprimer le trafic de transit. C'est pour ça que je dis le décalage entre les discours politiques et ce que tu peux observer sur le terrain. On dit mais Good Move, en fait, c'est justement laisser les habitants circuler et on va vous libérer de quelque chose. En fait, on va vous libérer de ceux qui colonisent votre quartier par la voiture. Mais en fait, cette colonisation par la voiture existe très, très peu à Kerugem. Donc, quelque part, quand ils ont mis tout leur plot, etc., ils ont surtout emmerdé les habitants du quartier, que ceux qui avaient une activité économique ou en cas, justement, des services d'urgence qui avaient besoin d'accéder à un bâtiment. Donc, il y a un décalage énorme entre le discours... De tout plan colonial, quoi. Le Congo, on l'a libéré de l'esclavagisme. Et donc, c'est le danger de ce type de pensée, c'est qu'on identifie un ennemi qui n'est pas l'ennemi des gens, comme étant le vrai ennemi, et on vient libérer. Et ce qui s'est fortement passé ici dans le quartier, c'est, et ça on l'a vu, c'est que donc, les axes de trafic de transit ne sont pas mis en jeu dans le Good Move, et il y a toujours cette ambiguïté qu'on prétend agir contre quelque chose, et il y a un truc qui rend les gens dingues, alors qu'en fait, dans le concret, on s'en prend à autre chose. C'est-à-dire qu'on s'en prend à l'endroit où trafic de transit et ce que tu appelles trafic de destination est le plus collé l'un à l'autre. Ni dans le ring, ni même aux entrées de Bruxelles. Et quand on voyait dans le quartier ici, c'était vraiment... En fait, l'idée, c'est la boucle de congestion. Et donc, ce qui n'est pas assumé, et ce qui n'est jamais assumé dans un projet de colonisation, c'est qu'on va changer les modes de comportement. Mais donc, on va laisser derrière tous ceux qui ne vont pas pouvoir faire ce shift modal. On voyait dans le quartier que l'idée, c'est de créer de la congestion interne, parce qu'il n'y a plus qu'une seule possibilité de rouler. Et en fait, on le fait partout de la même façon. Et donc, ce n'est pas s'attaquer au trafic de transit, c'est véritablement faire en sorte que les gens soient tellement à bout qu'ils renoncent à la voiture. En fait, c'est une guerre d'usure. Oui, et puis, quelque part, il y a quelque part, ça a intégré aux dynamiques foncières immobilières. Ils veulent très, très fort. Si je vous ai parlé du plan d'aménagement directeur Midi, ils veulent rajouter là 2000 logements. On a dit à Bistebrook 7500 logements. Donc, tu es déjà dans un quartier dense et au pourtour, on veut densifier. Et si tu densifies à Bistebrook, tu es proche du ring. Donc, tu te dis, quelqu'un qui va aller acheter son appartement à Bistebrook, un des attraits, c'est d'être tout de suite connecté au ring. Donc, ça veut dire que quelqu'un qui vient en voiture. Enfin, donc, c'est plein d'incohérences, tu vois, si tu l'inscris. En fait, dans la politique globale. Et si tu veux un gros levier en région bruxelloise pour empêcher la bagnole, tu t'attaques. Bon, après, ça dépend du fédéral et pas la région bruxelloise. Mais tu supprimes les voitures de société, qui est. Ça illustre les inégalités sociales, mais d'une façon tellement. Bon, après, ça dépend du fédéral, mais la région bruxelloise pourrait faire plus pression sur le fédéral, puisque. Je sais pas, je crois que c'est plus la moitié des bagnoles à l'heure de pointe du matin qui sont sur le ring, ce sont des voitures de société qui rentrent dans Bruxelles. Effectivement. Quelque chose que j'ai, enfin une impression, c'est comme si on voulait faire de Bruxelles une ville dortoir finalement, apaisée, sans voiture, pour tous des gens qui iront travailler en dehors de Bruxelles en voiture. Mais qu'ici, où ils auront leur petit domicile tout agréable, ce sera sans voiture. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a même un paysage qui est encore pire que ce que tu viens de décrire. C'est plutôt dans cette ville apaisée, pacifiée à l'intérieur. Tu auras toujours besoin des petites mains qui vont venir trimer, mais qui sauront plus payer leur logement, qui vont vivre hors, dans la périphérie, en banlieue, et qui, aux heures où ils prendront leur voiture, n'auront pas le choix de faire autrement que de prendre une voiture parce qu'il n'y a pas de bon transport public, parce qu'il n'y a pas de bonne desserte. Et donc c'est... Réfléchir aux activités économiques qui finissent par délocaliser et sortir de la ville. Ça arrive et ça va arriver de plus en plus. J'avais aussi lu quelque part que l'histoire du nouveau métro, là, bon, je sais pas si c'est vrai ou pas, mais qu'au final, ça va vider les caisses encore un peu plus. Donc, je sais pas vers quoi on va, mais ça n'a pas l'air très joyeux, quoi. Quand on met toutes les pièces ensemble, ça fait plutôt peur. En tout cas, l'impression des Anderlectois, des Kerugemois en l'occurrence, c'est... On est dans une enclave, on nous enclave, et je pense qu'on veut exterminer ce qui pourrait être apparenté encore à quelqu'un de Kerugem. C'est pas plus compliqué. Donc, ils veulent qu'on se balade avec que des réseaux souterrains, sous des métros, pour aller je ne sais où travailler pour 2,50 francs. Les soupes. C'est les petites mains. Donc, Parce que le secteur automobile, à Kyrogem, c'est important dans l'économie de la commune. Hein. Bah oui, on fait comment ? On a plein de gamins. C'est vraiment ce truc-là. En plus, on parle des voitures. On a oublié les piétons dans cette histoire. Les voitures nous ont jamais fait chier. Hein. On a toujours vécu avec les voitures. Donc je comprends pas c'est quoi ce délire. Bon, après, on peut avoir tout un débat sur la voiture. Que la voiture, moi, je vais pas... Mais on en revient à ce que tu disais. Commençons par les voitures de société. En fait, il faut juste être réaliste. Voilà, c'est pas le problème. Ou alors, c'est tout de pollution. On a blindé des trucs. Enlevez-nous ces antennes là électromagnétiques. Enlevez-nous. Il y a plein de choses. Donc, je sais pas. Qui veulent se marier avec un arbre, qui se marie et qui nous fasse pas chier avec leur délire. Tu dis ? J'ai dit s'ils veulent se marier avec un arbre, qu'ils se marient avec un arbre. S'ils ont, c'est ça, l'écologie, la nature. Mais qu'ils ne fassent pas chier avec du concret. Oui, oui, mais de toute façon, je peux dire ton prénom. Bien sûr. Rachida, c'est ça ? Mm-hmm. C'est essayer de que les gens se bouffent la tête, quoi, pour finir. Il y a de quoi se bouffer. Alors que... Parce que je te donne un exemple. Moi, mes parents habitent sur la chaussée de Mons. Ma maman, j'ai plus mon père. Tout est bloqué. Pour aller jusqu'à l'hôpital Brakops avec le taxi. Mmh. 45 balles de la chaussée de Mons à Brakops. Je fais comment ? Parce que moi, j'ai pas de voiture en plus. Donc moi qui parle, je suis la réelle piétonnière, l'usager faible. Donc non, il faut quand même arrêter. Parce que c'est sûr que déjà, c'est chouette de comprendre... Enfin, c'est chouette, c'est une drôle de manière de parler, mais c'est intéressant de comprendre à quoi on joue ici, tu vois ? À quoi on joue avec ce qu'on nous raconte dans les gros titres, et tu comprends ? Ils nous prennent pour des pions. Mais ce qui dérange aussi... sur Anderlecht, c'est que... Parce que ça, et c'est intéressant l'historique, mais il ne faut pas oublier qu'il y a eu des politiques d'aménagement des populations. On les a parquées dans des quartiers particuliers, ça a été choisi. Ça, c'est fait, ça a été choisi. C'est pas... Ce qui s'est passé, c'est quand tu prends tout le quartier nord, les Marolles, etc., donc quand il y a eu chaque fois des grandes vagues d'expropriation, effectivement, comme tu dis, à ce moment-là, on a parqué les gens ensemble... Dans certains quartiers. Oui, tout à fait. Étant toujours le même, ce sont les moyens qui diffèrent, mais... L'avantage, encore aujourd'hui à Bruxelles, en région bruxelloise, c'est que tu n'as pas de ghetto et tu n'as pas de banlieue dortoir, vraiment. Je pense que c'est ça qui est si tu compares par rapport à Paris, à Marseille, etc. Jaloux, c'est parce que Bruxelles, c'est multiculturel, les gens qu'ils veuillent ou pas, on est mélangés, on se mélange. Et ça, ça les dérange. Parce que c'est eux qui veulent créer des ghettos en ramenant des bourges qui vont habiter dans des tours verticales, donc ils n'ont même pas d'horizontalité. Il y a quelque chose à sauver. Et quelque part, jusqu'ici, il y avait des chercheurs qui avaient comparé trois quartiers, notamment le quartier Evart, avec un quartier à Vienne, un quartier au Portugal, à Lisbonne, et la Goutte d'Or à Paris. Et que le quartier ici est celui qui résistait le mieux à la gentrification, s'il comparait. Lequel ? Ici ? À Kyrogem ? Ouais. Et Vart, ouais. C'est parce que tu as beaucoup de propriétaires, de petits propriétaires à l'époque, ils ont acheté à l'époque, et donc on ne peut pas les gérer. Donc c'est ça qui est intéressant. C'est pour ça qu'on est là. D'ailleurs, tu regardes sur Good Move, on voit que la mobilisation parvient quand même à faire bouger des choses. Et... Ouais, parce qu'elle est en stand-by pour le moment. Quand tu regardes au quartier midi, enfin moi, tu vois, depuis que ça fait quoi, maintenant 15 ans que je travaille à IEB, en fait, beaucoup de projets auxquels on s'est attaqué ont été freinés ou se sont même cassés la gueule. Donc, comme quoi, ça. Oui, ça marche. Oui, il faut pas, c'est sûr. Après. Encore une fois, avec le denier public, hein, parce qu'ils ont beau croire qu'ils nous font des fleurs et tout ça, c'est notre argent. Ça quoi ? C'est avec notre argent qu'on nous entube et c'est avec notre argent qu'ils sont payés. C'est clair. On oublie souvent ça. Bah oui. Ah bah oui, là ils étaient un peu mal pris, ils ont un peu réduit leur salaire, je crois, les ministres, de 8%. Tu vois, parce qu'ils sont tellement mal pris, évidemment, dans le contexte actuel. Tu penses bien à réfléchir. De crise d'énergie où les gens ne savent plus payer leur loyer, ne savent plus payer leur salaire. C'est ça, ouais, c'est ça. Ah oui, ça c'est leur nouveau délire là, l'extinction des lumières le matin. Donc on n'a plus d'éclairage. Mais du coup, il y a eu un accident, je crois, à Scarbeck, et ils ont remis l'éclairage. Ici, à la gare de l'Ouest, il n'y a pas longtemps, un petit qui s'est fait percuter. Allez. Bah oui. Bah oui, c'est clair qu'entre. Parce que si tu prends la petite ceinture là, maintenant avec les trottinettes qui vont à toute vitesse. Moi, quand je suis à vélo, c'est plus ça qui me fait peur que la voiture. Moi, j'ai pas compris, parce que je savais pas que maintenant tu peux avoir des amendes pour excès de vitesse en trottinette. Et tu leur dis, mais vous savez pas, puisque c'est des trottinettes électriques, je sais pas, mettez-les à... Mais réduisez la vitesse. Réduire la vitesse parce que ça va passer de 30 à 20 à l'heure. Je crois que la vitesse autorisée, c'est 30 à l'heure. Mais t'imagines, beaucoup, hein. Tu claques 30 à l'heure. À fond. Putain, quel monde de tarés quand même. Non, mais moi, j'entends tout ce que vous dites et tout ça. Et moi, franchement, ça ne m'étonne pas, hein, tout ça. Vous voyez ce que je veux dire. C'est pas étonnant, mais quand tu le vis au quotidien, au bout d'un moment... Oui, mais non, mais la question... À l'usure. La question, en fait, c'est comment faire pour s'en sortir? Comment faire pour changer la donne, tu vois? C'est ce qu'on est en train de faire. Il faut continuer à se mobiliser. Ce qui, à Anderlecht, ce qui les emmerde, c'est qu'on est... On a été interpellé. Non, c'est parce qu'on a été interpellé. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, c'est qu'ils s'attendaient à ce que ça parte en émeute, alors que non. Ils s'attendaient pas. Ils nous ont poussé. Non, mais même ils nous ont poussé aussi en se disant, bah tiens, ils sont venus crier une fois, ça va se calmer, ou alors ça va partir en émeute. Mais non, ça part pas en émeute. Ça, ça doit être à la longue. Moi, je... C'est violent, hein. Bien sûr. Tu vois, c'est ça la question. OK, il faut pas se laisser faire, mais il y a toujours des coups, quoi. Il y a toujours des coups dans le dos, il y a toujours... Enfin... J'ai habité la rue Voyer. Je ne sais pas si en marchant, parce qu'en général, on papote, et si vous avez un peu observé, d'un, que tous les trottoirs, il y a tous des blocs de béton. Enfin, je veux dire, cette politique d'aménagement du territoire par le bloc de béton à Kerugem, ça fait partie de l'histoire de Kerugem. Un truc comme ça d'aménagement basique, qui n'est vraiment pas respectueux des habitants. Ici, on aménage comme ça. On les voit, ils sont pleins de mousse verte. Hein, donc ceux-là, ce n'est pas des récents, ils sont là depuis... Très longtemps. Mais tout le trottoir qu'on a longé, si tu regardais tout l'avant pour empêcher les voitures de se parquer sur le trottoir, tu as des blocs de béton. Plein de mousse verte. Et je sais pas aussi si vous avez remarqué qu'il y a pas mal en fait d'habitations vides. D'ailleurs, ben là, on est en arrêt devant une habitation vide. Et je vais donner la parole à Ben. Donc voilà, donc moi je m'appelle Bernard, je travaille pour l'Union de locataires Anderlecht. On travaille sur la question du logement depuis une trentaine d'années. Donc à l'époque, quand on a créé l'association, c'était parce que en fait, il y avait en termes de tissu associatif pratiquement rien ici. Donc c'était un quartier qui est passé d'une période industrielle à une période un peu de vide. Il y avait beaucoup d'ateliers qui avaient fermé, d'usines... dans tous les sens. Ici, les intérieurs d'îlots sont pratiquement tous des ateliers. Il y a très peu d'espace vert. Donc, quand début des années 90, un des premiers grands projets, ça a été de créer le parc, ce qu'on a appelé le parc de la Rosée, que les habitants appelaient le chantier, parce que c'était un tas de boue. Il y avait une usine qu'on a démolie, et c'est resté un terrain vague pendant 10-15 ans. Et maintenant, on en a fait un parc qui est un peu enclavé entre... Dans un intérieur d'îlot, en fait. Ça, c'est le... Donc, au niveau de l'union de locataires, les questions qui se sont posées à nous, c'était que, en fait, la majorité de la population ici était mal logée. Donc, une des premières opérations à laquelle on a participé, c'était la revitalisation de l'îlot Don Chimiste qui se trouve là-bas, près de la place Lemens. On a commencé, de fait, par informer les gens, réunir les familles... défendre un peu leur intérêt auprès de la commune. Et puis petit à petit, on en est arrivé à se dire, ouais, bon, tous ces bâtiments vides, il faudrait quand même en faire quelque chose. Et on s'est mis nous-mêmes à rénover. Donc l'union de locataires, de fait, est devenue un des acteurs ici importants dans le quartier. Donc on a rénové une cinquantaine de logements depuis 25 ans, on va dire. Ça en fait partie. C'est tous des logements qui appartiennent à la commune et que la commune nous cède. Ben alors, elle ne nous cède pas parce qu'elle est gentille, elle nous les cède parce que, pour deux raisons, elle se débarrasse évidemment du problème. Ça, c'est une chose. L'autre raison, la vraie, je pense, c'est que la commune d'Anderlecht possédait, on va dire, 300-350 bâtiments, mais elle n'a pas les moyens de les rénover. Parce qu'elle n'a pas les capacités d'emprunt. On est dans une commune qu'on empêche de travailler, qu'on empêche de rénover son propre patrimoine. Donc Il y a pas, on peut faire beaucoup de critiques à la commune, c'est pas ça qui manque. Je suis le premier à y aller. Mais sur cette question-là, c'est clair que on ne peut pas leur dire « vous foutez rien », dis-nous on veut bien, mais on ne peut pas. Voilà, ça c'est les normes européennes sur la dette publique qui fait que Anderlecht, pas la seule en Belgique, qui fait que toutes les communes pauvres sont obligées de vendre les bijoux de famille en clair. C'est ça, c'est à ça que, donc, en clair, c'est pousser les communes à privatiser leur patrimoine. C'est à ça que ça revient. Vous avez dit qu'elles n'ont pas le droit de vendre. Le droit d'emprunter de l'argent pour rénover leur maison. C'est ça le problème. Il y a une loi européenne qui empêche d'accumuler, de s'endetter en plus, et qui fait que la commune ne peut pas emprunter. Elle ne peut pas aller à la banque et dire « voilà, j'ai besoin de 400 000 euros pour rénover deux maisons là, et dans lesquelles je ferai ». Quand elle dit qu'elle vous les cède, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'elle nous les donne gratuitement avec un bail, ce qu'on appelle un bail emphytéotique ou un bail à rénovation, et à nous de trouver l'argent et de les rénover. C'est ça le principe. Propriétaire, mais pas, elle n'est plus propriétaire pendant 27 ans. Pendant 27 ans, nous sommes les propriétaires, et évidemment, le contrat dit que nous devons rénover. On ne peut pas les laisser comme ça. On a 3 ans. Ce contrat dit qu'on a 3 ans pour rénover. Si au bout de 3 ans, on n'a pas rénové, on rend à la commune. Donc nous, on doit emprunter de l'argent et on doit rénover, faire tout le travail. C'est l'union des locataires. C'est l'union de locataires. Ouais. Donc, le travail, alors, à ce moment-là, et qui s'endette et ainsi de suite. Quoi. C'est elle qui s'endette, c'est elle qui a les emmerdements, c'est elle qui... Ouais. C'est elle qui s'occupe des locataires après. Vous avez un contrat avec les locataires après. Ouais. Donc nous, on a créé une agence immobilière sociale à qui on confie après la gestion de ces... Donc ici, ce qu'on a, c'est un petit peu... tout ça, ça a été rénové à moitié par la commune. La commune a commencé et nous, on a terminé. Donc il y a 4 maisons unifamiliales, ce qu'on appelle Habermann-Breuer. Quoi? Ici, il y a 4 unifamiliales. Oui, mais c'est quoi le mot que tu as dit ? Habermann-Breuer, c'est le nom de la rue. Ah. Oui, quand c'est compliqué, c'est que c'est un mot propre. Quand on ne comprend pas, c'est que, oui. Ce n'est pas savant. Hein. Ce n'est pas technique. Donc, ici, en fait, on a 4 maisons à laquelle on rajoute 5, 6. Et nous, on a racheté une maison qui est le 55 Chaussée de Mons, dans laquelle on fait les bureaux de l'agence immobilière sociale. Et on va rénover tout l'intérieur de ce qu'on appelle l'impasse Migerolles. En fait, la porte blanche donne sur une ruelle qui distribue à gauche et à droite. Voilà. J'ai la clé, mais bon, si vous voulez voir, mais c'est pas très joli. C'est un peu en chantier, quoi. Vous voulez voir ? Ça vous fera une sortie, allez. Une sortie ? Ça veut dire quoi, Oily ? Écrit en rouge dessus, quelqu'un sait ? Oily. Oily. Tu sais c'est quoi ? Toi qui sais plein de choses là. C'est de l'anglais ça. Oily, tu dis ? Oily, je sais pas, ça doit être quelque chose. Oily. C'est un tag écrit comme ça. Hein ? Tu dis ? Oily, sacré. En quelle langue ? En anglais. Ah ouais ? En anglais, Oily, je sais pas. Non, moi j'ai aucune notion d'anglais. Enfin, si un petit peu. Thank you, bye bye. Bon, moi j'avoue, je m'en fous un peu d'aller voir la maison. Tu dis, t'as envie de rentrer? Je garde la poussette, non, ça tu veux va, je reste ici. Ouais. Ah, là, là, là, là, là, là. Donc toi, t'habites le quartier, toi. Oui. Hein ? On peut pas savoir ton prénom, tu préfères pas ? Ah si, Mélanie. Mélanie. Ça va ? Oui. C'est chaud, hein ? Non. C'est chaud dans le quartier, quoi. Il y a toujours quelque chose. Enfin, quand je dis ça, c'est pas bien de parler comme ça, mais... Vivre dans le quartier, il faut toujours rester sur la défensive, quoi. J'ai l'impression... Non. C'est peut-être la première impression qu'on a quand on arrive ici, mais ça fait 12 ans que j'y vis. La mort d'Adil et puis la mort d'aussi d'autres. Enfin, tu vois, les choses vraiment grosses qui passent comme ça, c'est quand même... Tu n'as pas le même statut quand tu vis... Enfin, peut-être parce que tu es blanche aussi. Je comprends pas où vous voulez en venir. Bon, dommage, parce que alors, je vais... Si je m'appelle Youssef ou Nordine, que je suis basanée, que je suis crôlée, ben... Je suis peut-être moins à l'aise parce que non, mais ça irait plus vite si. Oui, mais je veux bien. En même temps, nous on est. Enfin voilà, moi Mélanie, je suis pas 100% belge. Hein. Donc, oui, mais tu vois de quoi un peu je parle. Sinon, je veux dire, c'est ceux qui travaillent ceux qui travaillent dans l'antiracisme le décrivent très bien. Je veux dire que si t'es noir, t'as moins de chances de passer que si t'es blanc, quoi. Enfin, tu vois. C'est une réalité, c'est clair. Ah ben voilà, ben c'est ça que je voulais dire, quoi. C'est que c'est pas toujours. Ouais, c'est... Mais moi, je suis bruxelloise depuis toujours. Enfin, j'ai toujours baigné là-dedans, donc. Enfin, c'est choquant, ça reste choquant, mais j'y suis malheureusement. Quand tu dis que t'as toujours baigné là-dedans, ça veut dire ? J'ai toujours baigné dans cette vie-là. Je connais rien d'autre. Dans quelle vie tu parles ? Ben, ce que vous avez dit au départ. Là, maintenant que je décris. Oui, et puis dès le départ aussi de la conversation, qu'il y a toujours quelque chose qui se passe. On a plus de chance si on est blanc ou quoi. Et quoi, t'es pas d'accord avec cette idée, fille ? Si, bien sûr. Parce que ça allait pas de soi au début quand je t'abordais comme ça sur le truc, en disant... C'est chaud, quoi. Le plan goutte mou. Moi, tu vois, je m'intéresse. Enfin, j'habite pas. J'habite en dehors. J'ai habité Bruxelles. J'ai habité Anderlecht, du côté de la rue Royer, le long du. Tu vois, après le canal. Et j'entends le plan goutte mou. Moi, j'habite en dehors. Je me dis, qu'est-ce qui se prépare encore, tu vois. Ce qui se prépare, ben, c'est que concrètement, on nous enferme. Moi, je vis à Anderlecht. Dans un quartier, je travaille dans un autre quartier d'Anderlecht. Je fais tout à Anderlecht. Mes courses, le boulot, l'école des enfants, les loisirs des enfants. Ah, tu bosses aussi ? Oui. Je fais tout dans cette commune. Mais à partir du moment où on m'empêche même d'aller d'un quartier à un autre, hein, c'est quoi le délire, en fait ? Je dois faire quoi ? Je dois mettre au chômage, c'est ça ? Ou à la mutuelle ? Je dois rester chez moi ? Alors là, oui, je bougerai plus, c'est clair. Et encore. Enfin, c'est même c'est ce là que je dis que c'est chaud, quoi. Mais comment... Même ça, ce que je dis là, la rigueur, c'est même pas vrai. Mais je veux dire, ma motivation est entamée tous les jours, hein, tous les matins. Et à chaque fois que je dois bouger de chez moi, genre même pour aller au travail, et que même pour ça, je suis empêchée, mais j'ai plus envie d'aller bosser. Ça me stresse, ça me ronge, ça me coûte de l'argent en carburant. Et tout ça pour aller bosser, pour faire mon activité professionnelle. Mais il y a des fois, je me dis, je ferais mieux de rester chez moi, en fait. Oui, parce que c'est le parcours du combattant, parce que ça y est, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Pourquoi ils m'empêchent de passer ? Comment je fais pour aller traverser ça ? Mais c'est ça. Les choses très concrètes de la vie, quoi. Bah, les choses très concrètes, c'est que le chemin qu'on prend depuis autant d'années, bah, du jour au lendemain, on se retrouve face à un panneau sens interdit, on se fait « bah merde, je vais où ? Je vais où ? Je fais quoi ?» Et on finit par prendre le sens interdit parce qu'on ne sait pas par où aller sinon. Et alors on a la peur au ventre, est-ce qu'il y aura la police, est-ce qu'on va avoir une amende ou pas, qu'est-ce qu'on va dire, qu'est-ce qu'on va faire. C'est ton petit ça ? Oui. Il a quel âge ? 8 mois. Ah ouais, il vient de sortir de l'œuf. Ouais. J'en ai 3. Ah ouais, des plus grands du coup. Oui. Non, il est grand. Voilà. Ouais, ouais, ouais. On est dans la chaussée de Mons là. Je vais toujours dire que je suis une gentille parce que les gens dès qu'ils voient un micro ils sont. Je suis une gentille. Tu vois, les journalistes, tu vois. On est devenu voilà. Porteur déguisé. Donc le petit groupe de gens est rentré dans la maison visiter. Moi pas, moi je suis pas allé. Ça va, bon, on y va. Hein, où est passé Claire ? Alors rouge, franchement, tu peux pas l'arrêter. Hein. La rater. On va la passer même, c'est ça ? Ouais. Bon. Oh là là. Alors c'était comment la maison, comme ça on a expliqué? Mais c'est super intéressant parce qu'en fait, ils ont donc une maison qu'ils ne doivent pas acheter avec un bail emphytéotique d'une. Tu veux dire ils, c'est les gens. L'ASBL, la rue ici. Pendant 27 ans, ils ont la maison grâce à un bail emphytéotique. C'est-à-dire qu'ils ne doivent pas débourser d'argent pour acheter la maison. Et donc, tout ce qu'ils vont débourser comme argent et faire des prêts, ce sera pour la remettre en état. Ouais. Disons, nous, on s'en fout d'avoir des propriétés. Ce n'est pas le but. Ouais, ouais, ouais. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir des biens existants en mauvais état, certes, mais donc qu'on peut remettre en état pour loger des gens. Donc, c'est vraiment un super plan, quoi. Ouais. Et c'est pas mal du tout. Donc en fait, en intérieur. Mais qu'est-ce qui est super plan? Parce que quelque part, la SBL de la rue, c'est ça? Oui. Elle fait quand même un prêt à la banque pour tout ça. Elle a intérêt à devoir gérer aussi tout ça. Oui, tu vois, mais ce n'est qu'un prêt pour les travaux. Si elle devait acheter, ce serait un prêt pour les travaux, ouais, plus le prêt pour l'achat. Et là, ça devient totalement impayable. Ok, ok. Donc déjà, l'achat, il n'y a pas de prêt. Et par ailleurs, donc sinon, l'intérieur, comment ça se présente? Ben, ce sont des intérieurs d'îlots, mais avec des maisons qui comblent tout. Donc en fait, derrière une maison, il y a un petit passage, et puis il y a de nouveau une maison. Et puis, en fait, on se rend compte, donc là, ils ont celle-là, en l'occurrence, à l'arrière des maisons, dans les petits bouts de cour, si on veut, puisque c'était une impasse, il y avait une fontaine, puisqu'il n'y a pas l'eau courante dans les maisons. Et donc c'était un petit bloc de maisons ouvrières et la fontaine évidemment était ce qui permettait à toutes ces maisons d'avoir de l'eau. Voilà. C'est sympathique ça. C'est ça. Bah, c'est-à-dire c'est à l'arrière des sympathique. Vu de notre point de vue, je pense qu'à l'époque ça devait bon, c'était déjà non, pas mal qu'ils aient. On peut plus repenser. Oui, voilà, moi je crois que les gens étaient contents d'avoir de l'eau. C'était déjà pas mal. Tu vois, on peut plus repenser. Effectivement, comme dans on est tellement embourgeoisés dans nos villes. Oui, oui, tout à fait. Comme dans certains intérieurs d'îlots aussi dans les Marolles, hein, on a aussi parfois on retrouve sur des vieux plans l'emplacement d'un puits. Et effectivement, c'était un luxe. Quelque part, d'une certaine manière. C'est sûr, c'est sûr. Malgré que c'était des cités ouvrières, malgré qu'ils avaient quand même déjà cette fontaine. Bah, quand on dit un luxe, hein, ça veut dire que, je veux dire, depuis que l'humain. Je veux dire, l'eau, elle existe, tu vois, et on s'est baigné dedans, après, ça devient propriété privée, tu vois ce que je veux dire? Évidemment. Donc. Et alors, c'est en cours de rénovation. Donc, oui, c'est un chantier, mais on voit que c'est. J'ai compris qu'il y avait des petites maisons à l'arrière, quoi, c'est ça? Il y a des petites maisons à l'arrière. Et c'est là que c'est sympathique, parce qu'il n'y a pas de voiture. Oui. Et les maisons à l'arrière, enfin, toute cette ancienne impasse, le site est classé. C'est-à-dire, disons que l'intérieur des maisons, on peut les transformer comme on veut, mais le site lui-même, tel qu'il est conçu actuellement, là, on ne peut pas y toucher. Et donc, ils peuvent rénover et faire tout ce qu'ils veulent à l'intérieur, mais on ne peut pas toucher à la manière dont c'est agencé à l'intérieur, sur le site. Et vous êtes qui, un peu, madame? Vous ne vous dites pas si vous ne voulez pas. Hein. Ah, bah, non, moi, simplement... Tu veux couper, excuse-moi. Donc, ici, en fait, c'est la place Lemens. Donc, là... Ici, on a rénové, c'est l'union de locataires qui a rénové, en fait, tous les coins, donc le 6 Lemens. Donc ça, c'est la commune qui a rénové. Nous avons fait un salon, une blanchisserie à la voie sociale, quoi. On a fait le 12 Lemens, là-bas. On a fait le 15. On a fait 7 maisons ici sur le... Oui, 8 maisons sur la place. Et celle-là, c'est la suivante qui va arriver, qu'on va rénover aussi, le 10 Place Lemens. Donc, mais la première opération d'envergure qu'il y a eu ici, c'était Odon Chimiste. Il faut savoir que l'histoire du quartier, c'est pourquoi la commune possède beaucoup de bâtiments ici. Parce que la commune rachetait des bâtiments, parce que leur idée dans les années 70, c'était de faire Manhattan ici. Ah, une idée communale sympathique. Mais bon... Mais ça, bah, ils ont toujours la même idée aujourd'hui. Quand même, non, ça sous-entendait beaucoup de travail quand même, parce que pour... virer tout le monde, raser, construire... Attends, tu vas voir la suite. Entre le moment où... à l'époque, entre le moment où on a rasé le quartier nord et le moment où on l'a entièrement construit, ben, c'est toujours pas fini. Il y a toujours... donc, c'est pas aussi simple. Donc, du coup, la commune possède beaucoup de bâtiments. Du coup, je dirais les vagues d'immigration qui sont arrivées ici, les Marocains, les Espagnols, les Grecs, les Turcs, etc., ils sont arrivés, ils ont été relogés ici dans des maisons communales. Mais La commune leur disait « Ah, vous voulez loger là, oui, mais je vous préviens, mais c'est juste pour un an ou deux parce qu'on va raser tout ça. » Et donc, les gens qui ont habité dans la rue aux dons chimistes dans toutes les unifamiliales, ils ont été dans les logements insalubres pendant 20 ans parce que la commune avait pour ambition de raser. Et donc, eux ont accepté ça. Et eux étaient aussi, je dirais, c'est les grands esprits se rencontrent entre des immigrés qui se disent « Je ne veux pas rester ici, moi. Je fais un peu de pognon et je m'en vais. » Donc, et la commune qui dit « Bah, c'est pourri, mais bon, on ne va pas rénover. » Donc, mais de toute façon, c'est en attendant, 2-3 ans, type 2-3 ans, ça me convient. À part qu'ils ont fait des enfants, ils sont restés pendant 20 ans dans des logements insalubres. Alors, tout le monde n'était pas à la même enseigne, évidemment. Dans tous ces logements, il y a des familles, on va dire, qui étaient bien organisées, qui ont rénové, qui ont compris que, bon, s'ils voulaient habiter dans de bonnes conditions, ça ne dépendait que d'eux, ils ont rénové. Et puis, il y a ceux qui étaient, les familles qui étaient un peu plus mal organisées, avec moins de moyens. Surtout ça aussi, les moyens. Financiers, intellectuels, etc., culturels, et qui, eux, ont vécu dans des situations merdiques pendant longtemps. Donc voilà. Après, je voulais qu'on parle un peu des contrats de quartier. En fait, on est sur un endroit qui a vu passer énormément de contrats de quartier. Alors les contrats de quartier, en général, tout le monde connaît un peu ça. C'est de l'argent qui vient de la région, qui est à disposition de la commune pour rénover, aménager. Normalement, on dit répondre à des besoins endogènes, en fait, à des besoins qui répondent aux habitants qui sont en place. Ça serait la logique. Et on dit, en plus, il y a un dispositif participatif. Enfin, c'est un peu la recette soi-disant magique. Les contrats de quartier, ça s'est développé dans les années 90. Enfin, il y a eu les contrats d'initiative, etc. Après, c'est tout un contexte aussi, parce que les années 90, c'est le contexte des émeutes, ce qu'on appelait les émeutes. Donc c'était les émeutes dans le bas de Forêt, le bas de Saint-Gilles, place Bethléem, parvis Saint-Antoine à Forêt, et ici aussi à Kureghem. Et en fait, ils vont fort s'imbriquer quand même aussi avec des logiques sécuritaires, ces contrats de quartier. Les émeutes, elles ont eu lieu suite de nouveau à des assassinats de police, hein, notamment ici Saïd Charki, une maman enceinte à Forêt. Donc c'est pas des émeutes. Il faut savoir, Saïd Charki, c'est 97, c'est une personne qui était... désigné comme dealer du quartier. Il y a eu une course-poursuite et qui, là aussi, s'est terminée par le décès de la personne. Et donc, le quartier s'est soulevé en les familles, les maires, un peu comme on a eu ici récemment avec Adil, et ont commencé à dire « Oui, mais enfin, vous nous laissez dans un quartier délabré, etc. » Il y a eu beaucoup de mouvements. Mais en réponse à ça, il y a eu certes les contrats de quartier, qui sont des moyens mis à disposition des communes pour rénover les quartiers, mais aussi une logique sécuritaire très forte. Et en fait, Anderlecht a utilisé beaucoup des moyens qu'elle a reçus à l'époque, plutôt pour acheter des caméras de surveillance. Ici, on a vu apparaître, toi tu pourrais dire où elles étaient, des fameuses pales planches. C'était des murs métalliques de 4,5 mètres de haut, et qui en fait étaient utilisés aussi pour, lors de courses-poursuites, bloquer les gens. Enfin, je ne sais pas, tu pourrais dire un peu... Dans le parc, en fait, il y avait... donc il y avait, mais à l'époque c'était, ils l'ont appelé, ouais. Donc à l'époque il y avait à l'avant, du côté chaussée de Mons, en fait c'était l'hôtel se servait de ça comme se servait, ouais. L'hôtel se servait de la moitié du parc comme parking pour les bus, en fait pour les cars, et l'autre partie c'était terrain vague, et la commune a été mettre au milieu ce qu'on appelait des pales planches, et donc c'est des murs de métal qui font 4 mètres de haut, qui sont ancrés à 2 mètres dans le sol, enfin un truc, c'est la guerre quoi. Donc, et ça a duré pendant 10-15 ans quand même avant qu'ils les enlèvent pour faire le parc quoi. Donc le contrat de quartier en fait a financé le bâtiment là, donc dans lequel il y a 8 logements et il y a une crèche halte-garderie au rez-de-chaussée. Le contrat de quartier a financé la salle Omnisport là-bas. Alors pourquoi on l'appelle Omnisport ? Parce qu'on ne peut y faire aucun sport. C'est excellent. La commune a très mal géré l'argent qu'elle recevait. Parce que ce que tu dis pas... Alors, nous, on a demandé, on a posé la question au début. On dit, pourquoi vous faites une salle de sport sur un terrain aussi petit? Ça on ne peut pas faire du basket, par exemple. On peut pas... Enfin, du mini-foot non plus. C'est pas les... Et c'est du, pas les bonnes dimensions. Oui, c'est une salle omnisport. Ah, d'accord, on a compris. D'accord, voilà. Ça, c'est un peu les, la crèche, elle est restée vide pendant 10 ans. Ouais. En fait, ils avaient les moyens, elle n'était pas aux normes non plus. Et... Non, il y avait autre chose, c'est que dans les contrats de quartier, c'est des moyens qui viennent de la région. Alors, ils donnent à la commune des moyens pour faire des infrastructures. Une crèche, une salle de sport, peu importe. Tout ce que vous pouvez. Ou une piscine, bon, voilà. Le problème, c'est que la commune, après... n'a pas, elle, la région demande à la commune un contrat de gestion, un plan de gestion, donc dans lequel la commune s'engage à dire je vais engager le personnel pour s'en occuper, où est-ce que je vais aller chercher l'argent pour payer le gaz, l'électricité, l'entretien, etc. La commune, elle fait un truc un peu, elle bidouille un truc, elle le donne à la région qui dit « ouais, ça va, c'est bon ». Et en fait, les infrastructures, de fait, restent pendant 10-15 ans vides parce que la commune n'a pas les moyens, pas le personnel. Donc toutes les infrastructures qui ont été construites ici ont vécu 10-15 ans de vide. Voilà. C'est un peu le dernier, c'était le local, là. Moi, j'arrive pas à comprendre comment c'est possible. Même si tu viens de l'esprit, j'arrive pas à comprendre... Si t'as l'argent... C'est normal qu'on ne comprenne pas, c'est incompréhensible. Si ça arrive quand même, ouais. Ouais, c'est pas si... C'est un aspect positif que, ce soit, que les communes soient chargées de ce genre de projet parce qu'ils sont a priori plus en contact, on espère, avec les besoins des habitants et la réalité locale. Mais si c'est un financement qui n'est pas suffisant pour mettre après les infrastructures en fonction, ça... Ça n'a pas de sens non plus. Dans un problème institutionnel plus large, on a une région qui a, je pense, des budgets du tiers-monde et qui fait la leçon à des communes qui n'ont rien. C'est tout, voilà, c'est des moyens dans tous les sens. Je veux dire que c'est trop peu dans tous les sens du terme. Et du coup, c'est pas une politique, c'est n'importe quoi. C'est tout. Donc, je pense que pour moi, si on autorise les communes à s'endetter, comme les Américains, tous les riches sont endettés, je n'ai pas eu le problème. Donc, elles pourraient faire les choses sérieusement. Bah, c'est clair que certains quartiers ont plus besoin de moyens que d'autres. Bon, je veux dire, c'est pas... je sais pas, pour moi, ça semble assez logique. Je veux dire, comme c'est... les contrats de quartier, au départ, se préoccupaient beaucoup d'infrastructures, de logements, surtout de logements, étaient fort axés sur le logement. Aujourd'hui, les contrats de quartier sont surtout axés sur l'espace public. L'espace public, ça sert à qui? Ben, ça sert à ceux qui spéculent, à ceux qui veulent que leurs biens aient plus de valeur dans, voilà, en général. Donc c'est clair, quand vous faites de jolies rues, toutes les façades sont bien peintes, ben, ça fait monter les loyers, après, ça fait monter le prix des maisons. Et puis les questions, ouais, de choix politiques. Ouais. Tu vois, et donc il y a des questions. En fait, c'est que la région bruxelloise est sous-financée. Les communes, en tout cas les communes centrales, manquent de financement. Après, avec les moyens qu'elles ont, elles pourraient aussi parfois poser d'autres choix que les choix qu'elles font. Je ne sais pas si tu veux, toi, parler un peu justement de la logique des contrats de quartier ou des investissements dans les quartiers. Oui, donc les contrats de quartier, c'est un des programmes qui fait partie des politiques de rénovation urbaine, de revitalisation urbaine, comme le titre officiel à Bruxelles. Donc c'est quelque chose qui vient de loin en fait, qui remonte déjà, qui était un des motifs de création de la région bruxelloise, de que les Bruxellois prennent en main les outils de rénovation de la ville plutôt que ce soit l'État belge qui décide et qui fasse toute autre chose comme des autoroutes à travers la ville. Et donc c'est quelque chose qui remonte aux années 80, puis surtout les contrats de quartier, c'est 94 les premiers. Donc on est en 2023 presque. Ici, il y a déjà eu 4 ou 5 étages de contrats de quartier. Et ça vient de loin et c'est assez compliqué comme histoire parce que en fait, il y a, en gros, je crois qu'on peut simplifier en disant qu'il y a deux logiques qui se superposent ou qui s'affrontent parfois. Une logique, comme Claire l'a dit, d'amener des équipements qui objectivement font défaut, manquent. Ben, par exemple, on parlait de, ben, Ben a montré des exemples là-bas, le parc d'arrosée, des choses comme ça, qui servent avant tout à répondre à des besoins exprimés par les habitants. Hein, donc dans une logique d'améliorer les conditions de vie de ceux qui sont déjà là. Et puis il y a une autre logique qui a grandi au fur et à mesure depuis 20 ans, qui est une logique d'attractivité, où il s'agit de rénover des quartiers non pas tant pour répondre à des besoins existants, mais pour utiliser des potentiels, c'est-à-dire les quartiers populaires actuels sont des quartiers mal utilisés ou sous-exploités, on pourrait faire beaucoup mieux. Je parle du langage officiel ici, donc dans une logique d'attirer, en gros attirer des capitaux qui viennent d'ailleurs, que ce soit des nouveaux habitants, des investisseurs, des promoteurs, des touristes, des visiteurs, enfin peu importe, pour notamment dans l'idée de simplement budgétaire en remplir certaines caisses publiques, sans que ça n'ait jamais été prouvé que ça marche, puisque les politiques d'attractivité, elles aussi, elles coûtent de l'argent. Et donc on a cette double tension, en fait, entre, en fait, rénover pourquoi, en fait. Est-ce qu'il s'agit de rénover pour répondre à des besoins locaux, existants, exprimés maintes et maintes fois par les habitants et les associations, etc. Ou bien s'agit-il d'essayer, par exemple, de créer la ville durable, voilà, un concept qui vient... et d'essayer d'adapter l'existant pour la transformer dans cette sorte d'abstraction. Et donc c'est deux logiques complètement différentes, et la deuxième, celle de l'attractivité, elle ne fait que prendre de l'ampleur, et l'EHPAD dont on parlait tout à l'heure, c'est totalement ça. Là, l'EHPAD, c'est créer des grands équipements de type métropolitain qui ont un rayonnement large et qui attirent toute une série de capitaux, enfin, c'est l'objectif affiché. Et donc, moi, juste pour terminer, je crois qu'on peut aussi boucler sur Good Move, parce que pour moi, les politiques dites de quartier apaisé, ça s'imbrique parfaitement avec cette idée d'attractivité. Hein, c'est attirer. Et on voit par exemple à l'étranger, plein de villes françaises, en fait, ont créé ce qu'ils appellent aussi des centres-villes apaisés, c'est-à-dire des centres-villes où il y a plus de voitures, enfin plus de voitures en surface. Il y a des voitures en sous-sol, dans des parkings privés, en sous-sol, voitures. Donc le centre, un beau centre, tout piéton ou vélo, ou enfin plus de voitures, des nouvelles lignes de tram, toutes belles, toutes propres, et les voitures à l'extérieur, les voitures qui tournent autour, en fait, qui tournent autour de ce centre apaisé, mais donc c'est à la fois un centre qui se veut attractif, qui veut attirer des flux, mais qui sur place ne veut pas voir ces voitures, en fait. Et donc c'est l'apaisement des centres et l'attractivité vont de pair, c'est-à-dire venez au centre-ville, vous y avez accès, et en même temps, une fois que vous y avez accès, vous serez débarrassé d'un environnement sans voiture, quoi. Donc c'est un truc qui va complètement de pair. Et enfin, dans ma lecture des choses, les politiques d'apaisement répondent plus à cadrent plus dans la logique d'attractivité que dans la logique de répondre à des besoins. J'ai jamais vu des habitants de Kurugem manifester pour « on veut l'apaisement ». C'est partir du postulat qu'on est en guerre aussi. C'est quoi cette idée de quartier apaisé? Est-ce qu'on est en guerre? Parce que moi, je ne le savais pas. Hein. Peut-être que... En guerre contre la voiture. Peut-être que c'est... Déjà, on est dévitalisé. Il faut nous revitaliser. Voilà, maintenant, alors, on est en guerre. D'abord, tu nous revitalises et après, tu apaises. Que tu as été trop vitalisé, t'as, pour apaiser. Ça, oui. Et moi, j'ai peut-être une question pour toi, Mathieu. Parce que c'est quand même fou. Moi, je vois comme toi que c'est le modèle centre-ville. Mais c'est quoi cette logique de considérer, par exemple, Kurugem ou la cage aux ours, sous le modèle du centre de ville de Gand? Ça paraît même économiquement un peu étrange. Je veux dire, on va adapter ce modèle que tu expliques très bien d'un centre-ville attractif, fermé pour touristes, mais à des endroits qui ne sont pas le centre de Bruxelles, qui sont la cage aux ours, Kurugem. Et donc, je ne sais pas comment toi, tu vois la logique économique derrière ce... Moi, je vois qu'il y a des voix qui mettent en avant la question, finalement, qui remettent en question quel est le centre-ville de Bruxelles, en fait. D'habitude, enfin, l'histoire de la ville veut que le centre-ville, c'est le tracé des anciens murs, c'est-à-dire le Pentagone actuel. Mais depuis 5-10 ans, on voit tout un discours architectural, urbanistique, voire sociologique aussi, qui dit non, le centre, c'est plus que ça, c'est aussi le quartier européen, c'est aussi, en fait, c'est aussi pardon ? La première couronne. La première couronne, avec toute cette symbolique de la ligne du métro, la ligne... La 2, c'est la 2, celle qui... Elisabeth, la boucle. Où ils se sont rendus compte que le canal était en plein milieu. Voilà. Et donc c'est la nouvelle centralité, attention. Le canal n'est plus le bord du Pentagone, n'est plus la limite du centre-ville, ça devient le centre du centre. Puisque ça veut dire qu'on prend tout Molenbeek et Kruggem avec dans le centre. Mais c'est une vision pour moi complètement d'hélicoptère, quoi. On voit ça, dans la ville elle-même, la ligne du métro, enfin, elle est en sous-sol. C'est-à-dire, c'est pas un truc, on ne sait pas si on est à l'intérieur ou à l'extérieur de la ligne du métro. On ne le voit pas. C'est pas du tout la même chose que des murs d'enceinte qui ont existé pendant 500 ans. C'est complètement différent. Et puis, pourquoi Gand ? Je crois que c'est aussi dans les milieux urbanistiques comme ça. Actuellement, l'urbanisme fonctionne beaucoup, enfin, avant aussi, sur base de ce que j'appelle du copier-coller, en fait. Des modèles, c'est en fait une façon de légitimer ces actions en disant on va faire comme à Gand, regardez comme ça a bien marché. Quand ils ont un des arguments pour le nouveau musée Canal Pompidou, là, c'est de dire on va faire comme à Bilbao, le Guggenheim, regardez comme ça a marché, ça a sauvé la ville. Ce qui n'est pas vrai, hein, c'est absolument faux. Bilbao, il y a toujours des chômeurs, il y a toujours de la pauvreté, il y a toujours plein de problèmes. Bon, il y a plus les attentats liés à l'ETA, mais ça n'a rien à voir avec... c'est pas le musée qui a réglé ça. Bref, c'est des modèles comme ça qui circulent et qui permettent en fait de légitimer, de mettre en avant des trucs qui sont devenus presque incontestables, parce qu'il faut bien connaître la situation de Gand pour dire oui, mais ça c'est la vitrine. Dans la réalité, à Gand, tout n'est pas rose. C'est comme Barcelone, c'est toutes les controverses et les conséquences sont nettoyées. On a été 2 jours avec l'argent européen à faire le tour des bonnes pratiques, et on dit, donc c'est plus on n'arrête plus le progrès, c'est on n'arrête pas la transition. Et ne vous inquiétez pas, aussi à Gand, comme au piétonnier, il y a eu beaucoup d'opposition, mais vous verrez. Après, les gens sont... Voilà, après, si... ça va aller. Demain il fera beau, quoi. Des informations sur Gand. Il y a eu des vraies oppositions à ce plan de circulation, mais ça n'a pas abouti, comme ici à Anderlecht, comme dans une résistance ciblée. On n'a pas eu l'occasion, ça a été trop vite. L'emprise des idées de Groen et de la majorité communale, ils ont réussi à étouffer ces oppositions. Mais on a tout à fait, à Gand, il y a eu des résistances, il y a eu des quartiers qui se sont mobilisés, mais qui n'ont pas été dans les médias. On n'a pas énormément discuté de cela. Hein. Et deuxièmement, et je pense que ça joue, on prend l'exemple de Gand, parce que c'est une coalition semblable que dans plusieurs communes à Bruxelles, et qui a réussi à instaurer ce plan de circulation à Gand. Néanmoins, les oppositions, et ça a été un succès, et d'autres... les écolos à Bruxelles, le parti Groen reprend cette idée-là et reprend cette recette-là et essaie de l'appliquer à Bruxelles. Et une des choses qui me touche à Bruxelles, c'est l'arrogance de la politique quand ils décident des trucs. Et on a eu, ce n'est pas une coïncidence, moi je connais Martin depuis il y a 2 ans et quelques, au même moment on a fait une interpellation, lui à Anderlecht sur les violences policières, moi à Saint-Gilles sur la même thématique. Et quand on voit l'arrogance par exemple à Saint-Gilles où la commune continue à avoir une politique concernant la police très, très autoritaire, très, très agressive et que ça crée l'embarras pour la commune même et qu'une grande partie de la population en ont marre et il y a une petite explosion, malheureusement pas comme à Anderlecht au moment de l'interpellation que vous avez faite ici, mais selon moi ça peut être une inspiration pour d'autres endroits, d'autres communes et on va avoir un tas de discussions sur le plan de circulation à Bruxelles. On en a déjà des remous à Bruxelles, à Schaarbeek, à Gent, peut-être que j'oublie d'autres communes, mais à mon avis, et c'est très inspirant de regarder ça. Moi j'ai regardé les presque 3 heures d'émission de l'interpellation d'Anas et des interviews avec les gens d'Anderlecht avec énormément d'intérêt et avec un sentiment de, pour une fois, ce sont les gens d'en bas, le peuple, les gens d'en bas qui ont leur mot à dire, qui utilisent la politique pour leurs besoins, pour leurs exigences. Malheureusement, ça c'est plutôt l'exception, mais j'espère qu'avec les discussions sur le plan de mobilité, que ça peut être une comment dire, une springplank, un levier pour. Pourquoi ça marche pour la mobilité? Parce qu'elle te touche dans ton quotidien, au jour le jour. Si tu es bloqué au jour le jour, tandis que la gentrification, tu vois, qui se développe par des rénovations, des rachats de foncier et tout, c'est pas visible. Quand les gens s'en rendent compte, souvent c'est trop tard. Tu sais que quand les grues sont là, c'est comme déjà trop tard. Et donc de ce point de vue-là, oui, comme tu dis, la mobilité est un bon levier parce que au moins tu l'aperçois dans ton quotidien. Je crois que c'est pour ça que les classes populaires s'en sont saisies plus rapidement. Après, il y a la question des recettes. Je ne sais pas, moi, savoir, oui, le principe maille apaisée, c'est nul. Le plan de good move, de croire que tu peux appliquer la même recette de mobilité partout, c'est ça qui est problématique. Qu'à certains endroits, tu puisses réfléchir, tu vois, pour réduire l'usage de la voiture, c'est sans doute une bonne chose, tu vois, je crois que... Mais c'est le fait que la recette est pensée d'en haut, et quel que soit le quartier, et en plus, on choisit en particulier des quartiers populaires où finalement le problème de la mobilité n'est pas de même nature, enfin, tu vois, c'est... Je crois que c'est peut-être parce que, comme disait Mathieu, moi, c'est, là, maintenant, je le comprends, c'est pas parce que c'est les quartiers populaires, c'est parce que c'est le nouveau centre-ville. Tout à fait. Et que c'est... Enfin, ça se mêle, hein. Oui, mais c'est la particularité de Bruxelles, d'avoir ces quartiers populaires si proches. Et donc d'avoir beaucoup d'habitants de Curieghem qui ne sont pas des locataires. Parce que le problème de la gentrification par l'augmentation des loyers, c'est que les gens qui partent, on ne les voit pas. Donc on sait qu'il y a tout un tas de gens qui partent en périphérie parce que ça devient trop cher, mais ça n'a pas un effet de masse. Par contre, d'avoir des gens qui sont dans des quartiers très très précaires, mais qui sont quand même encore propriétaires, il y a un enjeu de résistance quelque part. Et puis il y a un contexte. Il y a un contexte où on voit aussi que les pouvoirs publics ont peur de l'embrasement social. Enfin, nous, on l'a vu entre ce qui s'est réellement passé dans le conseil communal et l'aura de celle d'insurrection à Bruxelles. On sent qu'il y a ce contexte d'un hiver qui va arriver difficile, que les pouvoirs publics ont peur de plus pouvoir redistribuer à suffisance. Et derrière, et ça c'est ce qui est le plus difficile, derrière la politique de mobilité, les habitants à Curieghem, moi je ne l'avais pas compris tout de suite, et eux ils l'ont tout de suite compris, il y a une politique urbaine et sociale. Il y a une politique libérale de transformation, ce n'est pas juste l'apaisement, ce n'est pas la voiture. Et derrière, ce qui n'est pas encore inventé, c'est quoi un modèle de diminution de la voiture qui est un modèle social et écologique. À Bruxelles, il y a des propositions, mais elles restent très vagues sur le RER. Je veux dire, on parle, enfin, je vais arrêter là-dessus, mais quand on suit les nouveaux utilisateurs de la STIB, donc les communicants de l'Alcuvain de Mbrun, hein, donc Marie-Thérèse de je ne sais quoi, Marie-Antoinette de Méro, qui ont pris la STIB depuis 3 mois, et qui disent voilà, c'est génial, il faut prendre la STIB. Je dis, mais en fait, ces gens ne sont pas des Bruxellois. Personne à Bruxelles considère que la STIB est une solution viable et géniale pour l'avenir, quoi. Et donc, à mon avis, le débat qui doit être construit, c'est au-delà du plan Good Move qui instrumentalise complètement, c'est-à-dire, est-ce qu'on a un pouvoir politique pour avoir une politique écologique et sociale où les alternatives ne se retournent pas contre les pauvres ? Un peu sérieusement. Et juste un chiffre, cette question des particules fines. 60%. Il y a 60% de la pollution en région bruxelloise qui vient de l'extérieur, donc il y a de la pollution européenne, et 33% qui est de la pollution interrégionale. Et donc, comme on ne sait pas mesurer, c'est très libéral, c'est-à-dire qu'on considère que c'est l'individu pollueur, mais on ne mesure pas la production de la pollution dans le temps long, et du coup, on a cet déséquilibre de la responsabilité immense qui produit un truc similaire au gilet jaune, c'est-à-dire on demande aux gens de faire des efforts, mais on voit qu'il y a une inégalité matérielle. Quoi. Qu'est-ce qui produit massivement la pollution ? Ce n'est pas les déplacements des habitants de Kurigem. Ce qui ne veut pas dire qu'aussi à Kurigem, il faut penser à des alternatives. Et ça, arriver à le poser, moi j'ai dit... Mais aussi le penser, tu vois, cette question de mobilité en lien avec la question du logement, en lien avec la question de tous les besoins. Après, tu dois bien partir de quelque part. Et moi, quand même, sur tout le débat Good Move, ce qui est impressionnant, c'est que justement, la question du transport public, elle n'est jamais abordée. Tu vois, tout de suite, c'est comme il y avait eu ce débat, un plateau BX1 au niveau européen, où tu avais des députés européens et une écolo. Là, vous avez vu ce débat. Et en fait, elle ne parlait que piéton, vélo, trottinette, comme alternative à la voiture. Mais elle n'a jamais parlé des transports en commun. Et pourtant, je veux dire, pour la majorité de la classe sociale, l'alternative à la voiture, c'est le transport public. Et après, politique de la cible, justement, qui préfère mettre toute sa thune dans un métro hyper coûteux pour aussi, d'ailleurs, derrière, c'est une forme d'aménagement du territoire choisi, et laisser la place de la voiture, d'ailleurs, en surface. Donc, Le travail périurbain, c'est-à-dire il y a cette idée complètement oubliée de Pascal Smet et de ces gens qui nous inventent la nouvelle ville, qu'une partie du travail ouvrier, il n'est pas en ville. Et que quand on va dans les zoning à Zaventem ou à Wavre, il n'y a pas de RER. Y a pas de... Et donc moi, je le vois. Ça veut dire que c'est des rassemblements de la camionnette du matin qui part à 5 heures. Et les gens vont et partent parce qu'ils ont de l'usage social des voitures. On dit maintenant aux Bruxellois d'aller trouver l'emploi peu qualifié hors de Bruxelles. Enfin, tu vois, c'est une aberration. Enfin, je veux dire, tu es dans une ville où fondamentalement, tu devrais être le lieu de production, puisque c'est là qu'il y a la concentration, etc. Et on a tellement chassé ça que tu n'as plus que du tertiaire. Et donc, en fait, alors que la majorité des emplois, donc la moitié des emplois vont à des navetteurs, et on va demander aux Bruxellois d'aller bosser à l'extérieur, et avec tous les problèmes de mobilité que ça pose. C'est la structure politique de la région bruxelloise qui pose question. Mais juste, moi, je termine là-dessus comme question ouverte, hein, mais comme c'est par la mobilité parce que c'est là qu'il y a de la prise. Ce qui a fonctionné, c'est qu'il y a le bloc de béton devant la rue, il y a la pétition, il y a les médias, il y a le conseil communal, il y a l'organisation politique, il y a la négociation, il y a le retrait des blocs de béton. On voit les blocs de béton qui s'en vont. Donc il y a une conscience politique qui naît de quels sont les acteurs là où ça marche, quoi. Et on a été confrontés à dire oui, mais les vrais problèmes, c'est autre chose. Le libéralisme, le capitalisme, c'est pas la voiture, mais c'est les banques, c'est la gentrification, mais comme un truc très, très métapolitique. Alors qu'ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que tout est dans la liaison de là où les gens ont encore prise. Et nous, on a été accusés de ça, hein, de gentrification. C'est-à-dire qu'on est pour le grand remplacement. Heureusement, il y a encore de la vie ici. Le quartier n'est pas complètement apaisé. Mais j'allais dire, ici, il y a plein de trucs à sauver. Du coup, ça vaut d'autant plus. Enfin, je veux dire, des quartiers centraux comme ici, le vieux Molenbeek et tout, qui sont encore comme ils sont maintenant. En fait, on doit le voir, c'est une chance extraordinaire que ces quartiers soient encore comme ça et aient une capacité de résistance. Mathieu, il aime bien parler des résistances ordinaires des quartiers populaires, qui ne sont pas juste, tu vois, du militantisme, de gens bien pensants et des gens du secteur associatif comme moi, etc. Mais que tu as une vraie résistance d'en bas par les pratiques quotidiennes des gens. Dans les comités de quartier à Skarbek ou ici, il y en a quelques-uns qui sont venus. Ils sont en partie pas venus parce qu'ils ont les enfants à garder. Et que, bon, les trucs comme on fait ici, nous, ça nous intéresse en tant que militants, mais pour eux, c'est de l'information. Mais il y a vraiment une conscience politique non militante, très très fort. Moi, je suis sur un des groupes WhatsApp à Skarbek, et en fait, les gens ont une mémoire extraordinaire du quartier. Et donc, ils disent, c'est revenu ici en Anderlecht aussi, ils disent, oui, on nous passe cet espace vert, mais la place de la maison communale, c'était un espace vert jusqu'en 2008. Le parc, machin, il a été transformé, il y a des associations qui sont venues. Donc, il y a une conscience de la gentrification au quotidien. Mais quand les gens le parlent, on considère raciste anti-flamand, complot. C'est dommage parce que ce serait vraiment le moment, c'est le moment de se dire pour une fois, il y a du politique en dehors de là où les militants voudraient qu'ils soient. Quoi. Et là, pour c'est d'habitude, c'est ce qu'on attend. Hein. Pour rebondir aussi à ce que tu disais, cette arrogance du politique, c'est aussi cette manière intentionnelle de vouloir monter les gens les uns contre les autres. Mmh. Et c'est vrai que la question de la mobilité, elle touche tout le monde, quelles que soient nos origines, quelle que soit la classe sociale au final. Très, très con. Et les médecins de famille ne veulent plus se déplacer au domicile parce qu'ils ne trouvent plus d'endroit où se garer. Il y a plus de... Et donc, du coup, tôt ou tard, la question de la mobilité, si elle n'a pas encore atteint telle personne parce qu'elle est encore toute folle à l'idée du total green. Alors que moi, les écolos, je ne comprends même pas pourquoi ils devraient avoir un parti écolo. L'écologie, elle concerne tout le monde, on est tous concernés. C'est comme si nous, on était les gros pollueurs et on s'en fout. Alors, c'est flamand contre... francophone, nous, ah non, non, non, on n'a rien à foutre de l'écologie. Alors, il faut quand même arrêter de délirer. Alors ou alors, c'est les voitures contre les vélos. Alors que le propre, justement, d'un principe écologique, c'est travailler à partir de ces marqueurs d'interdépendance. Et donc, le problème, c'est que finalement, à chaque fois qu'on essaye de constituer ces marqueurs d'interdépendance dans la logique de. C'est quelqu'un qui. Non, c'est un œuf. Bah, on va peut-être continuer le tour, non? Bah, on a l'air d'être des touristes en fait. Hein. C'est une façon de la normal. On a un groupe de blancs au milieu de la place. Donc, Oui, bon, peut-être qu'on va continuer alors. Mais. Attention, que les œufs, ça commence à arriver. C'est qui les lents? J'arrive pas à voir, moi. Derrière la camionnette blanche. Non, mais le simple. Avec l'appareil. Oui, c'est déjà clivant. Okay. Je ne peux pas aller jusqu'au. Ok, la balade va se terminer. On parle de ça, mais. C'est pas trop. Ah ouais, c'est terminé. C'est généralement, c'est juste. Parce que moi, je suis. Oui, parce qu'on a. Bon, ben, il y a eu de blanc. C'est lui ? Mais je veux remercier Claire. C'est moi qu'on visait. C'est moi qu'on visait. C'est toi qu'on vise. Je me doute. C'est dangereux. Mais j'ai pas de caméra. Tu leur as dit ? Tu leur as dit ou bien t'as dit ? Je. D'autres moments. J'invite les de faire des propositions. C'est ça, j'avais bien vu qu'il y avait un œuf. Qu'on se re-rende. Bon, on avait dit qu'on se fixerait de toute façon un rendez-vous. Donc. Qu'on a, voilà. Ça se termine ici alors ? Nous aussi. Bah, parce qu'on avait dit deux heures, parce que l'idée c'était de parler un peu du commerce des véhicules d'occasion et tout. Mais quelque part, tout ça rentre dans la même histoire. Donc je crois que. Ici, on a fait un bon. Et un dernier truc, les gens qui veulent être informés sur les trucs, sur les choses qu'on organise, qui laissent leurs coordonnées.